Et bien voilà, mesdames, messieurs, il est temps pour moi de partir et d'accueillir Monsieur Leroy, Régis de son prénom, bonjour. Monsieur Rémi de Stéphane de son prénom, comment il va? J'aime bien quand vous m'appelez monsieur. Bah oui, écoutez, de temps en temps, ça fait pas de mal. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est mieux que jeune homme. C'est vrai. Vous avez passé un bon week-end? J'ai passé un très très bon week-end. Autant vous dire qu'il était très très bien ce week-end. J'ai fêté les 90 ans de ma grand-mère. Ah d'accord, voilà. Okay. Comment s'appelle-t-elle? Eh bien, elle s'appelle Gilberte. Gilberte, voilà. Ah, bon, elle a fêté Gilberte, 90 ans et en pleine forme. Et en plus, on lui a fait un magnifique cadeau, donc elle était heureuse. Qu'est-ce que vous voulez faire quoi? On lui a acheté un iPad 2. D'accord. Ce n'est pas une blague. Ah, hein. Elle était heureuse, elle peut consulter ses comptes et puis peut-être retrouver l'amour, on ne sait jamais, vous savez, les seniors. Elle va te chatter et tout. Ben, bien sûr. D'accord, ok, bon. Elle est high-tech, ma grand-mère. Et bien, on embrasse la grand-mère de Régis Leroy, donc Gilbert. Un gros bisou à Gilbert. Combien déjà, 80? 90. 90, d'accord. Maroon 5 en 15h sur EFM. Et vous, on vous a pas posé la question? De mon âge? Non. D'accord, ce que vous avez je fait vous ce répondre week-end. À 24. Mais finalement, ça nous intéresse pas. Je suis à la Deauville, voilà. Ah. Les mecs, ils s'embêtent pas. Voilà, Maroon 5 avant 15h. Je vous retrouve demain entre 10h et 15h. Dans un instant, la dernière ligne droite. À demain. À demain.